attendre. Parmi ces gens que je ne comprends pas, quand il est midi et que ton ombre est plus grande que toi, tu ne sais pas. Partout pareil, chaque jour soir, au milieu des autres. Et je ne veux pas rester seul. J'attends une image à la télévision avec ou sans les voix, je la comprends pas. Que faire pour tuer le temps à pas manger? Attendre que quelqu'un me comprenne, pour que je puisse avoir en moi ces différents, ni triste ni gai. J'attends. Que j'entends, ce que je vois.